première forme, si le groupe finit de façon psychologique, va donner naissance à un égrégore astral, un égrégore psychologique. C'est ce que nous retrouvons dans les nations, dans les ordres religieux, dans les écoles traditionnelles, etc. La puissance formée par un groupe qui veut organiser quelque chose dans le but d'arriver à un résultat particulier peut donner naissance à l'égrégore astral, mais va surtout donner naissance à un égrégore mental. L'égrégore astral est là pour sécuriser ceux qui sont partie du groupe, tandis que l'égrégore mental est là pour énergiser ceux qui sont partie du groupe. Alors, on ne peut pas stopper la création d'un égrégore si on se nourrit, parce que de toute façon, en étant seul, on a un égrégore déjà, mais qui est relativement faible. Sauf pour ceux qui ont un gros ego, qui ont un égrégore assez grand, lorsque les personnes s'unissent pour travailler. Lorsque les personnes finissent pour travailler, s'ils réduisent mentalement leurs efforts organisés, ils vont créer un égrégore mental qui pourra leur servir régulièrement. L'égrégore mental au niveau PMC, on en a parlé un peu dans des conférences du mois antérieur, l'égrégore mental, on en crée un au niveau PMC4, c'est-à-dire fait PMC4, l'égrégore qui va servir en PMC5 et 6. L'égrégore mental. Tandis que l'égrégore astral va être créé de part par les personnes qui font le PMC1, 2 et 3, et par ceux aussi qui demandent s'ils le font ou s'ils ne le font pas. L'idée de créer un égrégore mental, ça amène à créer une espèce d'immense entonnoir qui va permettre à chacun de bénéficier du potentiel énergétique de tous. Alors, je ne veux pas, disons, empiéter trop sur les mécanismes d'égrégorisation mentale, étant donné que on enseigne en PMC4 parce qu'à ce niveau, les personnes sont prêtes à entendre parler de cette création d'égrégore mental et à entendre parler aussi des clés pour s'en servir. Avant ça, l'ego est trop puissant dans certains d'entre ceux qui font le PMC, alors c'est que je ne peux pas m'étendre de plus sur ça. Le travail de groupe, lorsqu'il est organisé, en plus de créer l'égrégore mental, permet aux personnes, si certains d'entre elles ont la faculté de raisonner supramentalement, de s'auto-énergiser lorsqu'ils travaillent ensemble, c'est-à-dire que le groupe permet à chacun d'augmenter son potentiel vibratoire. La seule chose qui est nécessaire pour que toutes les personnes d'un groupe bénéficient équitablement de l'énergie qu'ils vont mettre, c'est qu'un objectif commun doit être déterminé. L'objectif peut être vague comme il peut être précis. Le fait d'avoir un objectif commun à déterminer engendre souvent un mécanisme qui fait que le groupe ne se relie pas. La société n'ayant pas d'objectif commun connu de chacun des individus, on a une grande partie de la société qui ne pousse pas dans la même direction et dont les potentialités d'efficacité ne servent à rien. Dans la société actuelle, on a plus de la moitié des êtres humains qui ne servent à rien. Et dans l'autre moitié, les trois quarts de l'autre moitié ne savent pas à quoi ils servent. Ils ne se servent d'eux. Et ce qui reste, un huitième de la société, c'est ce qu'elle veut que la société fasse. C'est un mécanisme presque ridicule. Tout à fait normal, intelligent, si on regarde l'état psychologique des personnes qui vivent dans la société. À travers la société constituée, on a différentes autres sociétés. On a des sociétés religieuses, on a des sociétés raciales, on a des sociétés d'affaires, et dans n'importe quelle grande société, peut naître plusieurs petites sociétés qui sauront à leur tour comment bénéficier de toutes les énergies du reste de la société qui ne servent en rien à la société. Chaque fois qu'une personne dépose de l'argent dans un compte en banque, elle ne sait pas ce qu'elle fait et elle ne pousse nulle part. Mais on se sert de cette énergie pour pousser là où la direction de la banque veut pousser. Ça l'a fait écrire un livre à un millionnaire et le livre qu'il a écrit était « Comment faire de l'argent avec l'argent des autres ». Ça, c'est l'explication, je ne dis pas que le livre est bon, mais c'est l'explication parfaite de la philosophie intelligente de ceux qui ont la puissance du pouvoir. de ceux qui ont suffisamment d'énergie pour décider de ce qu'ils veulent. Lorsqu'ils ont décidé de ce qu'ils veulent, ils s'arrangeront pour prendre des énergies perdues autour d'eux pour s'en servir, pour atteindre leur objectif. Le fait de demander, disons voici, comment si on a 25 paysans, c'est un mécanisme de l'ancien qui peut être adapté à leur niveau. On a 25 paysans qui cultivent tous des aliments. Les 25 paysans sont obligés de cultiver à l'année longue pour avoir de la nourriture à l'année longue. Un de ces paysans soudain ose réfléchir. Il a travaillé avec une énergie supérieure à l'énergie matérielle, celle du cultivateur. De l'acte de cultiver, de l'acte de récolter. Alors, ce paysan, parmi les 25, va voir les 24 ans pour leur demander un service. Un tout petit service. À travers le 100% de ta culture, peux-tu additionner 4% de plus et me donner. 4% pour 100%, c'est pas beaucoup plus. Alors, les 24 cultivateurs disent, ah ben oui, moi, ça me dérange. Je te rends service. Évidemment, pour que cette autre chose fonctionne, il faut que chaque cultivateur ignore que l'autre aussi le fait. Alors, on a un cultivateur qui ne cultive qui récolte 4% des 24 autres pour lui donner une récolte aussi grosse que celle qu'il avait lorsqu'il travaillait à l'année longue. On a un bonhomme qui ne travaille plus et qui a de la nourriture à l'année longue parce que 24 autres travaillent à l'année longue pour créer l'année. Est-ce que c'est du vol? Non. C'est drôlement intelligent, c'est drôlement intelligent. Lorsque l'homme découvre les mécanismes de l'écologie, l'homme est capable de comprendre les mécanismes de l'obligation d'échanger équitablement des énergies. Que l'homme comprend les lois du karma. C'est pas ça. Alors, automatiquement, vous ne pouvez plus. Que l'homme comprend. Il ne faut plus prendre 4% de chacun des cultivateurs et ne rien leur donner en retour. Et là, on va payer tout. C'est l'un des problèmes de la consommation. Alors, notre fermier va dire, maintenant que j'ai un an à rien faire, j'ai un an à penser comment améliorer la culture. Alors, pendant cette année, s'il est intelligent, il va observer les 24 cultivateurs, et peut-être il va dire 24. Mais si on connecter les champs ensemble, si on organiserait une coopérative, si à 24 on construit un silo pour entreposer de la nourriture, en un ou pas, à 24 on peut. Si à 24, il devient le gestionnaire des 24 ans. L'ancien qui comprend ça devient le boss. C'est souvent le tyran. L'homme nouveau qui comprend ça devient le gestionnaire. Les cultivateurs vont accepter. Parce que chacun aura peut-être 8 mois de travail au lieu de 12. Parce qu'un bonhomme se voit rémunéré pour ne plus rien avoir à faire, il peut mettre son énergie mentale au service des autres et donner 3 mois de vacances par année aux 24 autres. 3 mois de vacances aux 24 autres, unis ensemble, ça crée du temps. Du temps où l'on pourra réfléchir pour trouver encore plus de temps. Lentement, ça s'organise. Lentement, l'être humain ayant le temps de réfléchir devient plus intelligent. Lentement, il améliore sa condition matérielle, gagnant du temps. Gagnant du temps, il améliore encore. Jusqu'au jour où il aura suffisamment de temps, mais jusqu'au jour où il comprendra aussi l'intelligence du travail. C'est-à-dire que l'homme ne doit jamais envisager le jour où il n'aura plus rien faire, que tout lui sera donné. Automatiquement, il sert là. Alors, donc, les situateurs découvrent que 2 mois par année donnent 8 mois de congé. Ils vont travailler 2 mois par année et ils vont faire quelque chose pendant les 8 mois. L'ego, lorsqu'il découvre cette puissance, ce pouvoir sur le travail, par la réflexion, finit par rêver du jour où il n'aura jamais. Ce qui pose la majorité des égaux puissants à s'arranger pour vivre au détriment. Alors, dans nos 24 cultivateurs et notre gestionnaire, on a un cultivateur qui dit, si je tombe malade, parce que maintenant qu'on est tous organisés en collaboration, lorsque l'un tombe malade, les autres se divisent le travail sur la terre du 24e qui est malade, de façon que sa terre continue à augmenter. Alors, quand moi je tombe malade, on s'occupe de ma terre. Quand un autre tombe malade, je m'occupe de la sienne. Et là, c'est la société. Alors, il y en a un qui se dit, ben moi, si je m'invente une maladie, je suis malade à peu près tout le temps. On travaille 2 mois par année, je peux être malade ces 2 mois-là. Alors, ce qui fait qu'on a un parasite qui vient de mettre. Lui, il ne travaille plus. Et il bénéficie. Si les 23 autres, plus le gestionnaire, ne se rendent pas compte du parasite, ils vont instruire le parasite. Ils vont donc l'accepter. Alors, lentement, on va avoir des cultivateurs qui vont travailler non plus 2 heures, mais 4 heures par jour. Non plus 2 mois, mais 4 mois par année pour pouvoir suffire au parasite. Alors, évidemment, on va dire, on a encore des mois de congé. On a encore 8 mois de congé. On a encore 4 mois de travail. Avant, on avait 8 mois de congé, 2 mois de travail, 2 mois de réflexion. Alors maintenant, j'ai 4 mois de travail, 2 mois de réflexion pour améliorer, 26 mois de travail, 6 mois de congé. Pourquoi? Parce que 4 ou 5 parasites parmi les cultivateurs sont toujours malades d'acide. Alors on les nourrit quand même. Parce qu'on a décidé qu'on fonctionnerait comme ça sans avoir envisagé la naissance. Va venir un temps où on aura autant de parasites que de travailleurs. Alors le temps de travail augmente. Les travailleurs décident de ne plus donner aux parasites. Mais on ne peut plus. On doit donner aux parasites. Parce que la moitié des terres appartiennent aux parasites. Alors on y va. On doit continuer à nourrir les parasites pour pouvoir continuer à travailler sur leurs terres et sur les nôtres. On doit continuer à guérir les parasites pour pouvoir continuer à bénéficier de ce que la société, de ce que cette micro-société nous apporte. La puissance découverte sous l'emprise de l'ego devient décadent. 6 parasites, 6 travailleurs. L'un des travailleurs tombe réellement malade. 6 parasites, 1 malade, 5 travailleurs. La balance ne peut plus tenir. Et lentement, cette société s'en va à une décadence très déprimante, très souffrante et dangereuse. Lorsque les cultivateurs n'ont plus la puissance parce qu'ils n'ont plus la main d'œuvre et qu'ils ont trop de parasites, ils décident carrément de revenir à l'ancien système. Alors, on est 5, on reprend nos terres et on suit les autres. Le gars qui est malade perd sa terre et perd tout. Les parasites n'ont plus la faculté de travailler. Ils ne travaillent pas plus, les champs pourris. Les parasites vont voler les travailleurs et là, on a une guerre civile. Dans cette guerre civile, les plus violents sont les parasites. Parce que les parasites ont été inscrits par la société que la société leur désestime. Les travailleurs sont les plus haineux. Ils s'occupent de leur champ. Alors les parasites ont l'avantage de l'ombre et l'avantage de la surprise. C'est-à-dire que le cultivateur est occupé de son champ pour ne pas le perdre. Le parasite l'a déjà perdu le champ. Le parasite a plus de temps à la guerre que le cultivateur, donc le parasite va gagner. Lorsque le parasite a gagné, il a la nourriture du paysan. Lorsque la nourriture est épuisée, on n'a ni paysan, ni nourriture, on n'a que des champs vierges. Alors l'homme, après s'être entretué, recommence. Il recommence sa culture comme il a commencé des dizaines d'années auparavant. Il va recommencer jusqu'à temps qu'un être brillant naisse. Il décide de demander 4% des cultures à tout le monde. Et on recommence le même processus. Ce processus, il faut le faire, il faut le barrer, l'arrêter. Dans une société nouvellement naissant, nouvellement constitué, même dans une société à l'intérieur de l'Église. Lorsqu'on a trois bonhommes qui se lient ensemble financièrement, deviennent des copropriétaires d'une compagnie, ça marche. Lorsque l'un des trois ne travaille pas, les autres ne veulent pas perdre, alors les autres travaillent pour compenser le travail du troisième en maudissant le troisième. Ils ne peuvent pas l'éliminer, ils ont besoin de son argent. Lorsqu'ils n'ont plus besoin de son argent, ils ne peuvent plus éliminer les autres. Souviens la compagnie se fait dans toi, divisant le potentiel de puissance des trois en unité. Souviens les deux s'unir avant terme, donc avant que la compagnie n'ait plus besoin d'argent du troisième, créant des problèmes. Le parasitage, c'est quelque chose que je vais dire. Dans une société où le parasite est déjà crédité comme étant un citoyen honnête, on ne peut pas l'éliminer. Dans une société, à l'intérieur d'une société, dans n'importe quel genre de société, que ce soit une entreprise, que ce soit une religion, que ce soit n'importe quoi, à la base, le parasite doit être éliminé. L'homme doit se grouper de façon à accumuler son potentiel de puissance pour en faire une puissance actuelle. Chacun des êtres qui se groupe doit avoir la conscience de voir ce qu'il doit faire pour avoir le droit de bénéficier de ce qui sera fait. Lorsqu'une société n'a que des devoirs et aucun droit, elle se révolte. Lorsqu'une société n'a que des droits et aucun devoir, elle meurt. Le fait de dire que nous sommes dans une société on réclame droit par-dessus droit et on oublie carrément nos devoirs de citoyen, n'empêche pas le citoyen de recréer à l'intérieur de la société une société équitable. Lorsque tu donnes, tu reçois. Lorsque tu reçois, tu donnes. Ça, c'est dans le cas des parasites. Qu'est-ce qui arrive lorsque c'est pas le parasite qui détruit ce qui se passe avec le groupe? Lorsque la coordination arrête. Comment est-ce que tu coordonnais l'effort du groupe qui ont l'amené de tes verres de quelque chose? Lorsque ça disparaît, qu'est-ce qui arrive avec ces gens? Lorsque plusieurs individus ont été coordonnés par une énergie intelligente, soit qu'ils se coordonnent eux-mêmes parce qu'ils créent eux-mêmes le cadre de l'énergie intelligente, soit c'est un coordonnateur qui les dirige, comme dans le cas d'une compagnie, par exemple, d'une entreprise. Si chacun des individus, si quelques-uns des individus décident d'être suffisamment orgueilleux pour se déconnecter de la coordination, évidemment, l'organisation complète va tenir par son bout. Si l'organisation disparaît, les individus risquent de ne pas s'en rendre compte. Alors, ils vont travailler de façon disparate, ils ne pousseront plus dans la même direction, et lentement, je veux pas encore une fois, tout se fait. Sauf que l'ego humain est suffisamment puissant pour lui donner l'impression qu'il est toujours coordonné, ou encore qu'il est capable lui-même de se coordonner. Je prends un exemple. On va dire, tous ensemble, on s'unit et on regarde de quelle façon, par exemple, matériellement, on pourrait solutionner les problèmes de chacun en mettant ensemble les efforts collectifs. Vous avez tous besoin d'un coiffeur, on va se faire coiffer chez un des coiffeurs de qui fait le PLC. Alors, votre argent, vous le dépensez, mais vous enrichissez le gars. Que lui, lorsqu'on a besoin d'un mécanicien, on va en faire affaire avec notre mécanicien. On enrichit le gars. Lorsque vous voulez aller dans un restaurant, vous allez dans un restaurant d'une personne que l'on connaît. On enrichit celle-là. Autrement dit, on fait comme la société, sauf que l'argent reste chez nous. Et on trouve un moyen de constituer des choses pour amener l'argent. Ça va. Mais qui va être le gérant? Qui va être le chef? Qui va être le coordonnateur? Qui va être le délégué? Alors, là, le problème peut commencer. Le problème, c'est absolument réglable. Ça va de quoi? Une fois que tout cela fonctionne, si un ego décide, les parasites vont naître. On a le parasite qui ne fait rien, on a le parasite qui pense qu'il peut tout faire. Lorsque cela fonctionne, on a une personne qui dit oui, mais ça marcherait mieux parce que mon idée n'a pas été écoutée. Mais encore une fois, dans un système comme celui-là, on ne doit pas avoir d'électorat. Il n'y a pas de diplomatie. Le monde se réunit et amène les solutions ou les problèmes, et par la suite, on règle ces problèmes-là, et l'énergie qui coordonne, c'est elle. L'énergie qui arrive à constituer le groupe ont la faculté de diriger le processus. L'énergie qui ne veut pas constituer, qui attend qu'on le constitue, parce que cela est fait, décide de venir en haut pour diriger le groupe, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est beaucoup plus facile de constituer un groupe que de le diriger. Ah, c'est pas bon. Constituer un groupe, c'est facile. En énergie, d'une fois ou deux, c'est fait. Diriger. Pour que les énergies réunies restent réunies et poussent dans une et même direction, ça peut être. Alors, si on prend une organisation humaine, on doit savoir, on doit s'arranger. Or, on peut voter au début, soit encore là, ça laisse encore la place à l'erreur. Il est beaucoup mieux de juger, de tester, disons, chacun, et on verra. Parce que dans le véhicule, c'est pas la même. Prenons l'exemple. Tout le monde est unis. Et tout le monde veut trouver une solution au problème matériel de façon à avoir une puissance suffisante pour faciliter les choses. Qui coordonne, pas compliqué. On regarde. Ceux qui ont des commerces sont déjà des gestionnaires. On regarde dans le vécu qu'est-ce qui se passe déjà. Et on commence par travailler avec cela. Parce qu'une personne qui a toujours été employée a peut-être la faculté d'être un gérant. Présentement, elle ne l'a jamais développé. Donc, elle ne sait pas ce que c'est. Elle pourra apprendre à long terme, à moyen terme, à court terme. Mais on ne peut pas commencer avec celle-là qui est une grande gestion. On doit prendre une personne qui gère déjà. Et si ce qu'elle gère fonctionne même si c'est petit, c'est mieux que celui qui ne gère rien et qui voit gros. Alors on commence par l'intelligence. Ça va bien. On a une personne qui, dans sa fonction, travaille avec le public, alors elle peut faire un poste qui est similaire. Lentement, les postes s'ajusteront. Mais on ne demande pas, bon, alors qui veut diriger? Parce que beaucoup qui pourraient ne voudront pas, et beaucoup qui ne peuvent pas vont venir. Alors, l'électorat devient totalement. Alors, ce qui fait que le parasitage peut naître de deux façons, celui qui se souvient et qui vit au départ de la collectivité, et celui qui, à un moment donné, essaie d'en tirer un peu plus à l'intérieur. C'est-à-dire ceci. Vous allez finir par comprendre cette apparence de jeu de mots. Si nous créons une société dans la société, c'est bon. Il ne doit jamais naître de société dans notre société. Alors, lorsque le petit bonhomme décide de ramasser de l'argent à l'intérieur de la société dans laquelle il est, il crée sa propre société. Alors, lui décide de ramasser un petit peu là, d'ajuster le compte, il devient rapidement un voleur. S'il a une idée géniale, il pourrait vivre dans notre société, qu'il est intelligent, on ne doit pas laisser sa société naître. On doit l'incorporer à la nôtre. Et là, on reste intelligent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on aurait une idée de société dans la société totalement fonctionnelle, c'est correct que nous, on crée une société dans la société. Et si la société trouve génial ce que l'on fait, elle veut l'intégrer, alors intégrons. Et si elle ne veut pas, on doit créer une société dans la société. Quelqu'un veut créer une société dans la nôtre, c'est intelligent, on va l'incorporer. C'est mieux. On incorpore. Si on n'incorpore pas, ce n'est pas mieux. Ça ne doit pas être. Parce que là, on va citer un voleur. La mafia a sa société dans la société. Et ce n'est pas incorporé parce que ce n'est pas incorporable. Mais elle vole. Une entreprise qui vend des céréales, une entreprise qui vend des pesticides, c'est incorporé dans notre société. Donc, c'est une société qui est incorporée. Ça constitue la société. Est-ce qu'elle vole? Non. Par rapport à celui qui n'a pas l'énergie de s'ajuster et qui dit qu'il s'est fait voler, elle vole. Mais c'est pas le travail du vendeur que de ne pas voler l'acheteur. C'est le travail de l'acheteur de ne pas se faire voler par le vendeur. Alors, c'est donc une évidence très nette qui peut être intelligent. Créer une société dans la société, comme cela existe déjà ici, mais effectivement, au niveau parasitage, il ne faut jamais laisser c'était naître dans la vie. Question ici par rapport à vivre au jour le jour. Il n'y a pas chose à faire pour arriver à la puissance. Oui. Par rapport à la demande, si vivre au jour le jour, c'est nuisible d'aller vers la puissance. Vivre au jour le jour tel que cela a toujours été enseigné, c'est la pire et invention pour amener l'homme à être décadent. Cela veut dire disons ceci, je suis président de l'Amérique, premier ministre de l'Amérique. Alors, il est évident que je dois dire au peuple, vivez le jour, vivez au jour le jour, vivez l'instant présent, cela va de soi. Ne pensez pas à l'avenir, laissez-moi y penser. Alors, ça veut dire qu'à un moment donné, tout ce qui s'en va dans la société, c'est moi qui l'organise. C'est moi qui crée les chemins, c'est moi qui crée les cadres pour vous. Pensez pas à ça, pensez pas à demain, pensez pas à ça. Alors, à un moment donné, moi je dis, le fonds de pension, je le siphonne. Mais pensez pas à ça, c'est pas grave, pas grave. Au jour le jour. Et quand ça sera rendu le jour d'être en pension, qu'il ne meurt pas, pensez pas, oubliez ça, oubliez ça. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Vivre au jour le jour, cela veut dire vivre le milliardième de seconde au milliardième de seconde, c'est-à-dire cela veut dire vivre l'instant présent. Bon. Vivre l'instant présent ne veut pas dire de ne pas envisager l'avenir. Ça veut dire de ne pas vivre dans l'avenir. Vous avez peur de l'avenir, vous vivez dans l'avenir. Vous avez espoir en l'avenir, vous vivez dans l'avenir. Vous envisagez l'avenir constructivement, c'est une construction qui se fait dans l'instantanéité du moment présent. Ce n'est pas matérialisable, donc on n'a pas espoir et on n'a pas peur. Donc on ne vit pas dans l'avenir. Présentement, je vis l'instant présent et ça ne m'empêche pas de savoir que l'instant présent pourrait être mieux, pourrait être plus facile. Vous savez, lorsque vous avez faim, mais vivez l'instant présent et mangez pas. Non. Lorsque vous vivez l'instant présent, vous connaissez les mécanismes inhérents à vos corps. Le corps physique a faim, le corps vital aussi, le corps psychologique aussi, le corps mental aussi. Certains se nourrissent d'informations, d'autres de vitalité et d'autres de matière physique. Vivre l'instant présent, ça veut dire, présentement, j'ai faim. Et je mange. Si je mange, je vais aussi avoir faim. Donc, je vais m'arranger pour avoir de la nourriture. C'est vivre l'instant présent, parce que c'est la conscientisation immédiate d'un état de choses. Mais si je dis, j'ai faim, donc demain, je vais avoir faim aussi, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis déjà en train d'essayer de vivre un instant qui n'existe pas. Parce que si vous avez un désir ou une émotion, l'émotion, c'est souvent bien compris, elle apparaît dans quelque chose de vivant. Vous avez une émotion en pensant à l'avenir, c'est que vous vivez l'avenir. Vivre l'instant présent, c'est vivre immédiatement. Envisager l'avenir, étudier le passé, ça se fait dans l'instant présent. Faire naître une émotion parce qu'on envisage l'avenir, c'est transposer sa vie dans l'avenir. L'on ne vit pas l'instant. Alors, vivre l'instant présent, c'est de prendre conscience de notre état d'être dans l'instant présent. Cela ne veut pas dire de ne jamais entrevoir les futurs possibles. Cela ne veut pas dire de ne pas s'organiser. Vivez l'instant présent. Tant que vous avez de l'argent en banque, n'allez pas travailler. Quand vous aurez plus d'argent, vous n'allez pas travailler, vivez l'instant présent. Et vous allez voir rapidement que vous allez vivre l'instant présent en tout cas. L'astral va se dire, alors j'oublie tous mes problèmes et je me fous de tout, je vis l'instant présent et je verrai bien en temps et lieu. Parfait. Tant que la psychologie vit comme ça, elle ne souffre pas. Elle n'évolue pas, mais elle ne souffre pas. Elle perd son linge, elle perd sa peau, elle perd ses ongles, elle perd ses cheveux, elle perd ses yeux, mais elle ne souffre pas. Et on dit, dans l'antique religion, que Dieu va tout vous donner. Dieu, c'est l'énergie supramentale, en l'occurrence, l'énergie christique. Lorsqu'on vit l'instant présent, on connaît les futurs. On vit en accord avec ces énergies. Tant que l'homme n'a pas la faculté d'être totalement conscient du plan, antiquement appelé divin, donc tant qu'il n'est pas en affinité complète avec l'énergie supramentale, il a la faculté par son mental d'entrevoir le plan, même s'il ne peut pas le vivre en instantanéité. Parce que l'énergie astrale se laisse complètement aller à l'instantanéité, il va dire, moi je me promenais et j'ai trouvé un billet d'avion au sol, alors j'ai pris l'avion et j'ai rencontré un millionnaire qui me parfait. Et pour cet état de choses, il fallait que d'autres ne vivent pas l'instant présent pour que quelqu'un échappe son billet. Pour que le millionnaire lui pense à l'argent pour en ramasser pour t'en donner. En ce qui fait qu'encore une fois, celui qui vit l'instant présent de cette façon, le mendiant est un parasite. Chaque parasite a une utilité écologique. Il instruit celui qui donne à ajuster ce qu'il donne. Ça a une utilité intelligente. On en a eu des mendiants dans l'Antiquité. Il fallait absolument. Ça permettait au manque d'écologie de chacun des citoyens de diminuer leur poids karmique en donnant. En donnant sur les épaules du mendiant un peu de karma. Parce que le mendiant ramassait le karma. Le mendiant n'arrivait jamais à vivre autrement qu'en mendiant. Il n'était pas nécessairement heureux. Alors, il payait un peu le karma de celui qui donnait. Vivre l'instant présent, ça s'adresse au mental. Ça ne s'adresse pas à la psychologie. Lorsque la psychologie vit l'instant présent, elle oublie tout. Elle va vivre heureux. Jusqu'au jour où il n'y aura plus rien. Et elle ne pourra plus vivre l'instant présent. Parce qu'il y a des mécanismes chez l'homme qui sont directement en relation avec l'énergie psychologique astrale qui l'oblige à se dissocier de l'instant présent. Le mental peut vivre l'instant présent. Et dans l'instant présent mental, le temps n'existe pas. Dans l'instant inexistentiel temporel, l'alignement de conséquentialité est faisable par le mental. Astralement, ça veut dire prévoir dans le temps. C'est ça l'alignement de conséquentialité. Mais ça se fait dans l'instantanéité, parce que le temps n'existe pas. Il n'y a pas d'émotion qui naissent là, il n'y a pas de peur, il n'y a rien. Lorsque la psychologie vit l'instant présent, elle est assise ici, elle ne fout rien. Elle goûte chaque millième de seconde. Et lorsque le corps a faim, problème pour la psychologie. Parce que les sentiments, la perception corporelle et sensorielle est reliée à l'ego. Lorsqu'il a faim, il se dit « je vais manger ». Lorsqu'il se lève et qu'il n'y a plus rien dans le grenier, il dit « je mange quoi ?» Alors il mange son grenier. Lorsqu'il n'y a plus de grenier, il ne mange plus rien. Pourquoi cultiver ? J'ai faim tout de suite, je mange tout de suite. Si je mange, j'ai plus faim, donc je cultive pas. C'est le phénomène psychologique. Alors, on ne doit jamais instruire l'ego de vivre le moment présent, il ne peut pas. L'ego doit finir par disparaître dans le temps. Le mental doit vivre l'intemporalité, l'avenir. Ça n'existe pas. C'est dans l'instantanéité que le mental peut voir où il est et où il est. Alors, il va s'arranger pour être où il est. Psychologiquement, il va s'arranger pour devenir. Les mécanismes temporels, ce sont des choses sur lesquelles on va revenir, mais ce n'est pas le temps. Parce qu'il manque encore trop de données, trop de bases au niveau du vocabulaire pour arriver à expliquer convenablement les mécanismes illusoires de l'apparition du temps. Et lorsqu'il y a trop d'ego chez ceux qui écoutent, l'ego ne peut pas admettre d'une façon vivable que le temps est une farce. Petite question ici qui revient à vivre au jour le jour. La personne demande, dans le sens, si le fait de dire qu'on vit le jour, c'est de parler de qu'est-ce qui s'est passé en arrière, nous avons dit, de son passé. Si on vit au jour le jour d'une façon psychologique, cela veut dire omnibuler complètement la conscience et la connaissance de l'état de vie. Si on dit vivre au jour le jour au niveau mental, cela veut dire être bien, instantanément. Alors automatiquement, on peut aligner des mécanismes dans le temps inexistentiel, donc on s'attend à n'importe quand à ce que les mécanismes d'alignement changent. Mais on s'en fout. Une chose qui est certaine pour le mental, c'est que vous êtes et que vous serez. C'est-à-dire que vous êtes et que vous êtes. Mais pas dans le même continuum spatio-temporel, ce qui n'est pas perceptible par l'ego. Lui, il va dire « je suis et je serai » dans le même continuum spatio-temporel. Alors, il enligne déjà au niveau de sa psychologie ce qui l'embête. Vivre le moment présent se fait au niveau mental. Ça ne peut se faire au niveau psychologique. La psychologie peut perdre la faculté de s'exprimer dans la conscience, donnant l'illusion au mental que la psychologie vit l'instant présent. Non. Elle vit aussi le passé, mais ce n'est pas conscientisé, donc elle ne le sait pas, ce qui donne l'impression de l'instant présent. Vivre l'instant présent, c'est lorsque le mental est capable d'éliminer le temps. Alors on vit. L'égrégore mental formé pourrait-elle devenir un handicap un jour, c'est-à-dire qu'on soit plus capable de s'en passer? Et devrait-on être capable de le laisser passer, disons, de ne plus l'utiliser à un moment donné? L'égrégore mental ne peut pas devenir un handicap pour la simple raison que l'égrégore mental ne sert que celui qui est qui a suffisamment d'énergie vibratoire pour être en contact avec l'égrégore mental. Celui qui n'a pas suffisamment d'énergie vibratoire ne peut pas connaître l'égrégore mental, donc il ne peut pas s'en servir. À l'instant même où la personne augmente suffisamment son taux vibratoire pour entrer en contact avec l'égrégore mental, il est mental. Étant mental, il saura se servir d'un outil sans être dépendant de l'outil. Et lorsque l'égrégore mental sera inutilisable pour lui, parce qu'il sera dans sa propre énergie, donc il sera lui-même en contact avec une énergie plus puissante, l'énergie supramentale, il se libérera facilement et totalement de l'égrégore mental qui, de par sa vibration, n'essaiera pas de restreindre la liberté de celui qui veut quitter. Dans l'égrégore astral, celui qui est relié à un égrégore astral le connaît émotivement, donc il en a besoin. Il se crée une sécurité avec. Et lorsqu'il veut le quitter, l'égrégore astral veut vivre parce qu'il est facilement égoïsable. Et il sait très bien que sa nourriture est celui qui était dedans. Lorsqu'une personne énergise un égrégore astral, il le met au monde et il le nourrit. L'égrégore astral veut donc conserver ses fidèles, ses pères. L'égrégore mental se fout de mourir parce que de toute façon, c'est une chose inhérente au mécanisme même des énergies, c'est-à-dire la vie, c'est-à-dire la transformation. Alors, l'égrégore mental ne donne donc aucun des problèmes des égrégores astrales. La seule chose qu'il y a, c'est que l'ego ne peut pas s'en servir et que lorsque l'homme veut s'en servir, il doit, par certaines clés, augmenter son taux vibratoire suffisamment haut pour pouvoir être en contact avec l'égrégore mental. Sinon, il ne pourra pas s'en servir. Comment savoir si l'autre est conscient de ses devoirs? Le voit-on dans le vécu actuel? Bon, si on parle de l'autre en fonction du couple, il n'y a pas de devoir au niveau du couple. Et il n'y a pas de droit non plus. Le couple, ce sont deux entités qui ne se doivent rien, qui n'ont pas besoin l'un de l'autre, mais qui conçoivent l'intelligence de cheminer ensemble. Parce que tout ce que l'un fait peut servir à l'autre, et tout ce que l'autre fait peut servir à l'un. Mais l'un ne doit pas se transformer de façon à être plus utile à l'autre. Ce que je fais, je le fais. La personne qui veut vivre avec moi, c'est parce que cela va lui être utile. Elle ne peut pas me transformer pour têter plus. Ce que je fais, je le faisais avant, je dois le faire aussi bien pendant. Je n'ai aucun devoir envers l'autre. Lorsque des devoirs naissent l'un envers l'autre, des conflits vont naître, et le devoir devient un ajustement. Je marche par là, tu marches par là, c'est bien. Marchons ensemble. Mais parce que je marche trop vite et que toi tu décides que tu as besoin de moi, tu veux me forcer à ralentir, que moi je ralentis pour t'aider à monter, je savais où j'allais parce que j'allais vite. Ralentissant pour t'aider, je ne sais plus où je vais. Le couple ne peut pas tenir. Alors on invente pour cristalliser, pour cimenter. C'est de l'absurdité. Comment savoir si l'autre est conscient de ses devoirs? Voudrait dire, comment savoir si l'autre sait tout ce qu'il doit, tout ce qu'il me doit? Si on parle du couple, c'est ce que ça veut dire. Comment puis-je être certain que l'autre sait tout ce qu'il me doit? Puis moi, je n'ai une liste hein, de ce qu'il me doit. Je peux vous en montrer les choses qu'il me doit. Alors, comment être sûr qu'il sait? Le couple ne peut pas fonctionner comme ça. Moi, je rentre à la maison, j'ai faim. La personne qui est là m'a fait la cuisine, parfait, je mange. Je rentre à la maison, j'ai faim. Elle ne m'a pas fait à cuisiner, je ne chiale pas. Je fais à cuisiner ou je ne mange pas. Et si les deux personnes d'un couple s'éduquent de cette façon, il n'y aura jamais de conflit. Parce que jamais l'un aura l'impression que l'autre lui doit. Plus vous donnez gratuitement dans un couple, plus vous avez l'impression que l'autre vous doit. Lorsque cette impression naît, conflit naît. Alors on veut faire des concessions. Je vais prendre une partie de moi que j'aime bien, puis je vais la mettre aux poubelles. De façon à ce qu'on reste ensemble. Et toi, tu prends une partie de toi que tu aimes bien, et tu la mets aux poubelles de façon à ce qu'on reste ensemble. On va se tuer tous les deux, comme ça on va rester ensemble. C'est le couple. Non. Dans le couple, on n'a pas de devoir. On a de devoir qu'envers les enfants. Mais on n'a pas de devoir l'un envers l'autre. Ce qui crée une liberté totale entre les deux adultes. Ce qui fait que les deux adultes vont rester eux-mêmes. Ce qui fait qu'ils vont rester dans l'énergie qu'ils avaient lorsqu'ils se sont rencontrés. Ce qui fait que possiblement ils ne se sépareront jamais. Ce mécanisme ne peut pas être compris par une psychologie ancienne. Je ne dis pas qu'il va être difficile, il ne peut pas être compris par une psychologie ancienne. Alors, ceux qui ne comprennent pas, n'essayez pas de comprendre. À un moment donné, vous comprendrez l'intelligence et la lucidité de cette facilité de vie de couple. Vivre en couple, c'est une initiation pour l'homme ancien, pour l'homme transitif. C'est une solution pour l'homme nouveau. La vie de couple est une solution que psychologique pour l'homme ancien, avec tous les déboires de souffrance que ça l'amène. La vie de couple de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, est une solution. Sans problème, c'est une solution. C'est tout. Lorsque dans une organisation, on se demande, est-ce que l'autre sait le devoir qu'il a? Si l'autre ne le sait pas, dis-lui. Écrivez-le sur papier. Être organisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on définit les tâches. Ça veut dire que le patron n'engage pas un employé en lui disant, toi, tu t'occupes de faire tel travail. L'employé dit, OK, parce qu'il est nerveux et gêné. Et là, le patron le laisse faire. Et quand le patron se rend compte que l'employé fait rien, il tape dessus. Non, c'est pas ça. Être organisé, ça veut dire être organisé. L'employé rentre, il a la liste de tout ce qu'il doit faire. On lui montre, on vérifie. On lui demande, tu vois la liste, tu as bien compris que c'est pour cela que tu es payé. L'employé répond oui. Alors, le patron demande, es-tu d'accord pour faire ceci et être payé pour ce que tu vas faire? L'employé répond oui. Le patron dit, OK, tout le monde sait. Si l'employé ne fait pas, c'est que l'employé n'a pas l'énergie de faire. On donne de l'énergie à l'employé, ou on transfère l'employé d'endroit, on lui donne un autre travail que peut-être il pourra faire, ou bien on élimine l'employé. Alors, il y a différentes façons de savoir si l'autre sait. Et lorsqu'on parle d'une façon nébuleuse, lorsqu'on ne met rien sur papier, lorsqu'on organise, il faut comprendre l'organisation humaine comme la programmation d'un ordinateur. Lorsque vous prenez un ordinateur, vous placez une disquette dedans, vous commencez un programme, vous voulez que l'ordinateur vous dise quand faire les vérifications sur votre automobile. Alors, vous devez dire à l'ordinateur quel genre d'automobile. Vous devez dire à l'ordinateur tout ce qui aurait à être vérifié et les dates. C'est-à-dire le nombre de temps d'utilisation, soit en kilomètres, soit en heures d'utilisation, ou soit en temps simplement. On doit tout dire à l'ordinateur, et on doit lui donner la procédure à suivre pour pouvoir nous dire quand. Parce que si je dis à l'ordinateur, j'ai un filtre à l'huile, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela, j'ai cela, j'ai cela. Alors tu me dis quand j'ai besoin. L'ordinateur répondra jamais. Faut lui dire, le filtre à l'huile, normalement, à tous les 3 mois, faut le changer. Ou à toutes les 300 heures d'utilisation du moteur. Ou à toutes les 300 kilomètres de roulée. Il faut lui dire aussi comment changer l'huile. Comment virer. Il faut lui dire tout. Il faut tout lui dire. Et il faut lui dire dans l'ordre. Et il faut lui organiser un système de gestion à l'ordinateur. Et là, il ne se trompera jamais. Sauf s'il manque l'énergie, si on le déconnecte. L'ordinateur va fonctionner si on lui donne les données. Vous avez un ordinateur de route dans votre automobile. Vous lui donnez l'heure. Vous lui dites, je m'en vais, je suis à Montréal, je m'en vais à Rimouski, alors vous lui donnez, par exemple, 400 000. Lui, il est connecté sur l'essence qui rentre dans le carburateur et sur votre indicateur de vitesse. Alors, vous partez à rouler et l'ordinateur vous dit, à cette vitesse-là, vous allez être rendu à Rimouski dans tant d'heures. Vous roulez, vous ralentissez, l'ordinateur calcule, la vitesse ralentit, donc le temps s'étire, l'essence, il vous donne la combustion d'essence que vous faites à l'heure, ce qui vous reste dans votre réservoir, la consommation, il vous donne le temps d'arriver, le temps parcouru, l'essence que vous avez utilisée, quelle heure qu'il est et l'heure qui sera quand vous allez arriver. Bon, c'est parfait. Sauf si on a donné de mauvaises informations à l'ordinateur. Alors là, on peut être sûr qu'avec la meilleure volonté du monde, il n'arrivera pas à vous donner des informations convenables. Lorsqu'on travaille en organisation, lorsque 2 personnes ou plus s'unissent, et même 1 personne, elle doit s'organiser comme si elle organisait un ordinateur. Faire confiance à l'humain, oui. Autant qu'on peut faire confiance à un ordinateur. Il faut donner à l'être humain ce qu'il a besoin pour travailler. De quelle façon savoir si l'autre sait quel devoir il a à faire, c'est de lui donner clairement toutes les informations qu'il a besoin. Et si les 2 contextes sont d'accord, l'autre sait. Si l'autre manque d'énergie pour le faire, c'est qu'il lui manque d'outils. Organiser, cela veut dire pallier à tous ces mécanismes. Et c'est pourquoi on a plus d'employés qu'on a de gestionnaires. Et c'est pourquoi seules les entreprises bien gérées fonctionnent. Les humains sont tous identiques. Certains ont la capacité d'organiser, d'autres ont la faculté de se laisser organiser. Et je ne parle pas péjorativement. C'est important. Un employé qui accepte de tout faire convenablement se laisse organiser. Et ça fonctionne. Et le résultat qu'il recherche, il l'a. Il ne veut pas être chef. Il veut le résultat. Alors, lui peut organiser, toi, tu peux faire. Merveilleux. Dessine les plans, va faire les meubles. T'es un dessinateur, je suis menuisier. Sois donc déterminé de quel genre de meubles je vais faire. Et ça me va. Il se fait organiser, l'autre organise, impeccable. Lorsque l'inverse veut être fait, on n'arrive pas non plus à fonctionner. Quel que soit ce que vous faites, pensez à organiser l'extérieur comme l'on organise un ordinateur et vous ne pourrez jamais vous tromper. Jamais. Je ne déshumanise pas la relation. Rentrez votre auto dans un garage et dites au mécanicien, ça cogne dans le moteur. Le mécanicien passe 8 heures et vous charge 25$ de l'heure. Si on n'est pas prêt, vous n'y avez pas donné les outils. Il a cherché le bruit. Vous rentrez puis vous lui dites ça. Il réduit ça à 2 heures. Vous vous informez un peu de la mécanique et là vous avez une idée plus précise. Vous lui dites, ça fait tel genre de bruit, je pense que ça viendrait de là, j'aimerais que vous vérifiez ceci. Et vous m'en reparlez. Voilà. Ça reste un être humain. Vous le faites pas poireter en temps inutile à travailler sur votre automobile. Payez pas en énergie le temps que vous lui avez fait perdre, et tout fonctionne bien. Donnez les outils, ça fonctionne. Un ordinateur, c'est inintelligent et très intelligent. C'est opérationnel et inopérationnel. donnons-lui les outils, ça fonctionne d'une façon extraordinairement merveilleuse. C'est la même chose pour l'être humain. Vous avez des enfants, vous avez un cadre familial, organisez-le. Donnez-vous les outils. La femme, dans l'ancienne famille, demande à son mari, « Qu'est-ce que tu veux manger pour souper? » « Oh, je sais pas, moi, n'importe quoi. » Ça ferait facile. L'homme va dire, « Ben oui, mais qu'elle me fasse, n'importe quoi! Je vais le manger! » Mais c'est pas suffisamment d'énergie pour la femme, n'importe quoi. Elle a fait ça hier, ça avant-hier, là, elle sait plus. Alors, est-ce qu'on peut chialer? C'est ce qu'on va faire. Alors, la femme, elle vient voir l'homme, l'homme va dire, « Ce soir, j'aimerais manger du pâté chinois. » La femme va dire, « Ah, ça, je peux pas parce qu'il manque ça. » Parfait. J'aimerais manger aussi peut-être du spaghetti. Ah, ça, je peux. Alors, toi, est-ce que tu aimerais ça? La femme peut dire, ah, ben oui. Alors, parfait, elle en fait. C'est réglé. Temps de le dire. Puis la femme ne passera pas une demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure en énergie à se demander qu'est-ce que l'autre veut. La femme dit, non, pas de spaghetti, ça me tenterait pas. Bon, alors, du riz. Ou bien alors, elle fait la cuisine, tu la fais pas, réfléchis donc. Il y a un échange d'énergie qui sauve du temps et qui organise. Ou bien on fait un menu. Ça, c'est les jours de la semaine. Oh, mais je veux pas être organisé. Moi, j'ai plus de créativité. Parfait, crée. Tu jeûnes de temps en temps, tu chiales, tu chicanes, crée. Tu fais un menu, ça t'empêche pas de créer. Tu regardes, tiens, spaghetti. Mais ça me tente de faire d'autres choses. Ben, d'autres choses, c'est pas le menu qui te force à le faire. Sauf que quand t'as pas l'énergie de penser, le menu, il est là. Tu peux plus le faire. C'est simple, l'organisation, ça ne déshumanise rien. Ça permet d'accumuler une puissance formidable. Pour être efficace. Ça sauve du temps, ça sauve de l'argent, ça sauve de l'énergie, ça vous permet d'avancer. Pensez que l'autre est un ordinateur et donnez-lui les outils. Il va fonctionner. Mais pensez que vous êtes un ordinateur et donnez-vous les outils et vous allez fonctionner. Combien à chaque début d'année s'achète un agenda et le perd? Courant de l'année. Et c'est énorme. On en vend plein parce que c'est le feeling mental de l'organisation. Et on l'achète sur un coup de foudre. Mais l'astral ne peut pas organiser un agenda. Alors on ne s'en sert pas. Un budget, quelle que soit la chose, on ne s'en sert pas. Est-ce que vous avez un budget de repos? L'homme doit s'organiser. Budget de repos. Budget. C'est quoi un budget de repos? Un budget de repos, ça veut dire que vous devez, par tant d'heures de travail, vous donner tant d'heures de repos. Pas de sommeil, de repos, de vacances. Oh, mais je peux pas, parce que j'ai pas le temps. Organiser. Vous allez avoir le temps. Ça veut dire qu'on décide. Ça veut dire qu'on regarde tout ce qu'on fait comme travail, puis on décide qu'en dedans de tant d'heures, je prends tant d'heures. En 16 jours, je prends une journée. Ou bien en 14 jours, je prends une journée de vacances. Pas de repos, pas de vacances. Pas devant la télévision, de quelque chose. Alors, vous prenez un papier, puis vous dites, cette journée-là, je la prends en repos. Vais-je ou ne vais-je pas, je vais voir. Rendu à cette journée-là, vous faites tout. C'est ça l'organisation. Vous devenez votre boss. Là, vous ne pouvez vraiment pas, parfait, changer de jour, trouvez-en. Mais on doit organiser, programmer. Se faire un programme, c'est programmer. Est-ce que ça déshumanise? Non. C'est comme si je dirais, faites-vous un programme pour être heureux. Ah, ben ouais, mais faire un programme pour être heureux, ça veut dire que ça déshumanise. J'aime autant être malheureux puis rester humain. Alors, rester humain. Mais, certains disent, oh, mais un budget, ça fait qu'il y en a qui sont riches, qui ont des budgets, puis il y en a qui sont pauvres, qui n'en ont pas, puis il y en a qui sont entre les deux, puis ils ne savent pas pourquoi. Prenez 100$, mettez-le dans votre sacoche ou dans vos poches, promenez-vous avec une semaine de temps et comptez combien il vous reste à la fin de la semaine. Prenez 500$ et comptez à la fin de la semaine. Prenez 20$ et comptez à la fin de la semaine. Dans tous les cas, vous allez passer la semaine. Et dans tous les cas, il ne vous en restera pas bien plus. Des mécanismes de non-programmation, de non-ajustement. pour se perfectionner, doit absolument s'accoupler ou se grouper avec d'autres? Ouais, mais pour se perfectionner, le regroupement est nécessaire. L'accouplement, salutaire. L'accouplement dans l'instant immédiat, non. Je réponds pour les 30 prochaines années. Certains ont besoin d'un laps de temps où ils vont fonctionner seuls. Qu'ils soient seuls. On ne peut pas dire que le regroupement n'est pas nécessaire. Le regroupement est essentiel. Le regroupement, tous sous le même toit, pas nécessairement. Il y a différentes formes de regroupement, mais le contact avec d'autres, du même ordre vibratoire, est essentiel. Même lorsqu'une personne arrive à un contact supramental total et global, dans le plan planétaire, elle devra travailler avec d'autres. Le regroupement est nécessaire. Sur différents paliers, peut-être. L'accouplement, c'est salutaire. Immédiatement, pour certains. Pour d'autres, plus tard. Au sujet des micro-sociétés, le temps serait-il venu pour le projet OFSA, la micro-société organisée par des gens en voie de concertisation? Je vois cela comme un message de réveil à l'organisation vers un but de projet. OFSA, ce n'est pas simplement la constitution d'un village. Disons que présentement, 1986 réserve des surprises pour bien du monde. Pour ceux qui se conscientisent consciemment, pour ceux qui le savent, comme pour tous ceux qui sont en train d'être conscientisés, mais qui ne le savent pas. Alors, il y en a plusieurs autour de vous allez voir aussi épuisés que vous, aussi malades, aussi tout croche, pas guérissables. Et on va dire, oui, mais se conscientise pas, c'est un imbécile. Mais non, on est en train de travailler son corps physique, son corps neuronique, son corps vital. Ce n'est pas nécessairement réfléchi dans sa conscience, donc il ne le sait pas. Il est temps que l'homme, d'une forme vibratoire similaire, se groupe, d'une façon coordonnée et organisée, pour pouvoir travailler de plus en plus efficacement en mettant de moins en moins d'énergie. Est-ce que c'est un préliminaire au projet OFSA? Peut-être. Peut-être que non. Une chose qui est certaine, c'est que le projet OFSA ne verra jamais le jour, tant qu'il n'y aura pas suffisamment d'aide organisée avant. Au niveau du projet OFSA, de toute façon, pour ceux qui seraient intéressés, dans quelques temps, il y aura ici une brochure de quelques 150 à 200 pages, une brochure ou un livre, qui sera à la disposition de ceux qui voudront juste s'informer. Mais en attendant, ce n'est pas en vue d'un projet nécessairement qu'il faut fonctionner. C'est en but d'arriver à faciliter son évolution. On commence par la matière, c'est souvent elle qui nous nuit le plus. On va revenir à votre question. On passe à l'arrêt. La même chose pour ceux qui ont des questions, vous les écrivez.